Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Let's go! Alors, bienvenue sur le podcast de Boulevard Brutal. Aujourd'hui, on a une émission vraiment bien remplie, comme on dit. On va parler, entre autres, du stage diving qui peut être très dangereux. Un fan qui s'est tué dans un show de Miss May High. Inquisition sont-ils des nazis? Sentence de 6 ans de prison pour le bon vieux Tim Lambesis. Nergal qui trouve le métal extrême plate, à la limite masturbatoire. Metallica et la pétition de Glastonbury pour les empêcher de jouer. Et comme sujet principal, élitisme et purisme. Steve, as-tu ta 50? Non, je suis encore sur le vent ce soir. Oh. Je suis rendu élitique. Alors, comme premier sujet, premièrement, comment va ton métal de ce temps-ci, Steve? Écoute, je reçois plein d'affaires intéressantes. Je vais finir par être capable de parler de tout. Il y a plein d'albums que j'ai découverts récemment que j'adore vraiment. Mais là, je suis en train de finir une traduction pour une entrevue que j'ai faite avec le chanteur de Non Euclid et de Dark Fortress, avec qui j'ai parlé sur Skype cette semaine, qui est vraiment intéressante. Donc, je devrais mettre ça en ligne probablement en fin de semaine. Je suis en train de finir les dernières touches sur la traduction, mais le gars était vraiment cool. Là. Ah ben c'est cool ça. Ça a été une belle découverte, Tabana. C'est venu un peu de nulle part. Moi, j'ai été surpris d'aimer ça dans un sens parce qu'il y avait quand même un petit côté, comme je disais, voivodesque un peu à la musique, tu sais. Absolument. Écoute, le chanteur, c'est un fan de Voivod invétéré. Je pense qu'il trippe encore plus que moi. Ouais, ben c'est ça. Puis ça paraît dedans. Puis tu sais, moi, Voivod, c'est pas vraiment mon band préféré. Ah, you're bad. Même si je respecte beaucoup les gars. Va te revenir à un moment donné, ça. They're gonna put a spell on you. Ah, ça se peut. Peut-être quand je vais dans un show de Martine Sinclair, on ne sait pas. Mm-hmm. Elle est pas pire, la toune, pareil. Ah, c'est-tu, arrête-moi ça. Hey, quand j'ai pas c'était ça, c'est-tu, le monde essayait de me vendre ça comme si c'était là. Oui, tu t'es fait ramasser, d'ailleurs. Ben oui, c'est-tu. Tu sais, moi, là, le but là-dedans, c'était pas de dire que l'Angevin, c'était un pourri, tu sais, ou un gars qui avait vendu son âme puis qui faisait plus du métal, mais c'était juste que tu pouvais pas être surpris de le voir dans un clip de Martine Sinclair. Il me semble c'est assez de base. Mais ça a l'air d'être une réalisation de caféine, puis l'Angevin et caféine ont travaillé beaucoup ensemble, donc okay. C'est ça le lien, je pense. OK, OK. Ça doit être caféine qui réalise un album de Martine Sinclair. C'est tout ce que je peux voir. Là. Ah, ça se peut. Ben écoute, il n'y a pas de problème. Si c'est pour Martine Sinclair, vous pouvez me blaster comme vous voulez. Lavez. Exactement. Donc, comme premier sujet, on va commencer ça. On va remonter un petit peu en arrière, évidemment, parce qu'on fait pas des podcasts à tous les semaines, nous autres, là. On est ben trop occupés. Mm-hmm. Mais il y a encore un jeune qui s'est tué en faisant un stage dive dans un show de Miss May High à New York. Ça, à chaque fois, je trouve ça plate parce que moi, je l'avoue, j'ai jamais fait un stage dive de ma vie. Je suis pas le gars le plus intense non plus d'un mosh pit à cause de... Moi, j'aime regarder le band puis j'aime me concentrer sur ce qui se fait. T'sais. Même chose pour moi. C'est passé ce temps-là. Puis j'ai déjà vu des stage dives dans des foules très, très compactes où le stage dive avait vraiment un grand succès, si on pourrait dire, parce qu'il n'y avait pratiquement aucun trou, tu sais. Oui. Mais on a tous vu des stage dives dans des foules assez clairsemées où ce que tu te dis, tabarnak, mon gars, tu cours vraiment après le trouble, sérieusement. C'est pas drôle, là, sauter de la scène puis tomber sa caboche. Mais c'est un risque à prendre. Et puis en même temps, c'est l'euphorie du show, t'es ça à brosse. Tu sais, ouais. Pense pas nécessairement à ce qui peut arriver. C'est un sujet chaud ces temps-ci. Je sais pas si t'as vu le chanteur de Stained qui a pété une coche cette semaine, qui était dans un festival, que la fille stage divait. Oui. Puis elle avait peut-être. Dans le coup, lui, il disait qu'elle avait 15-16 ans. Puis là, il arrêtait le show parce qu'il y a des gars qui appognassaient pendant. Ouais, qu'elle était dans le moche. Oui, c'est ça. Faisait du crowd surfing, dans le fond. Puis on a tout vu de ça, honnêtement, là, des filles qui font du crowd surfing, puis des gars qui en profitent pour pas mettre nécessairement les mains au niveau des épaules. Exactement. C'est un risque à prendre. Écoute, puis même, c'est qui le chanteur l'autre jour qui a blessé quelqu'un? Je pense que même qu'il l'a tué avec un stage dive de 27 pieds ou je sais plus. Ah ouais, ouais, une astuce d'histoire de fou, ça. Mais c'est plate, le gars, c'est un jeune homme de 21 ans, dans le fond, qui, évidemment, il est pas mort sur le coup, là. En général, les stage dives, ce qui se passe, c'est que il tombe sur la tête, il y a des dommages qui se font, puis c'est généralement dans les heures qui suivent. C'était ce qui était arrivé d'ailleurs avec le jeune Daniel dans le show de Lamb of God. Oui, exactement. Il est mort quelques heures après. Fait que, en tout cas, c'est plate. Moi, ce que je dirais au monde, évidemment, comme tu dis, c'est dans l'euphorie, puis ça se passe vite, puis oui, t'as le goût de le faire, puis tout. Ben, puis ça vient aussi, je trouve, ça rentre aussi dans le sujet, dans le prochain sujet, qui est Kurt Weinstein, dans le fond, de Crowbar, qui a pété sa coche dans un show au Maryland Death Fest, quand il y a un gars qui est monté sur la scène, puis là, la sécurité l'a rushé, comme on dit en langage de football. Mais directement dans Kirk en même temps. C'est ça. Puis lui, il a pété sa coche de dire, Chris, moi, je suis ici, c'est mon spot, le stage m'appartient. Je vais pas jouer, moi, dans vos affaires. Respectez ma limite, puis... Ouais, puis ben, avec ce qui est arrivé avec Randy Blight, avec ce qui est arrivé avec Dimebag Darrell, c'est sûr que les gars sont sous stress un peu. Ça a tout changé, cette histoire-là, d'ailleurs, de Dimebag. Tout a changé cette journée-là. Exact. Donc, c'est sûr que les gars ont une crainte sur le stage, puis quand quelqu'un arrive comme ça, il y avait Slash qui s'était fait ramasser aussi il y a une couple d'années. Ouais. Par un gars qui... Il l'avait pas manqué. C'est sûr que c'est pas le genre de choses que tu veux qui arrive. Puis en même temps, ton équipement, puis écoute, ça coûte cher. Puis les gars de Crowbar, je pense pas que c'est des gars qui font des millions par année. Hein. Non. Donc, mais la santé avant tout. Puis moi, c'est sûr que j'ai trouvé qu'il avait vraiment peut-être exagéré un peu sa réaction. Là. Mm-hmm. Mais il était hot-tempered ce soir-là, j'imagine. Puis il était vraiment en crise. Hein. Ouais, il était vraiment en sacrement, mais... C'est ça, puis tu sais, j'ai regardé une vidéo justement d'un show qui s'est passé cette semaine, je pense la semaine passée, un show de DRI, où ce que mon gars, c'est complètement l'euphorie sur le stage, ça monte un après l'autre, ça fait à fil, toi, c'est comme un carrousel. Les autres ont toujours fait la promotion de ça, même dans le tonne. Exact. Into the Pit, entre autres. C'est ça, tu sais, je pense d'ailleurs que c'était pendant la tonne Into the Pit. Donc là, c'est sûr que ça fait partie de l'ADN du band, c'est encouragé, tu sais. Mais ouais. Je pense que dans le doute, si tu sais pas nécessairement si le band est ouvert à ça, puis s'il y a pas une invitation qui est clairement faite, je pense que ta place est pas sur le stage. Je reste dans la foule, tu sais. Absolument, ça je suis d'accord. Parce qu'il peut arriver toutes sortes d'affaires. Yes. Ensuite de ça, un sujet, ça, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas me dire là-dessus, parce que j'ai pas eu de feedback. Je sais pas où est rendue ta réflexion à propos d'Inquisition qui se sont fait accuser d'être néo-nazis. Ou en tout cas, supporter néo-nazi. On avait un chat par email là-dessus quand la nouvelle est sortie. Oui. Et puis, j'étais un fan d'Inquisition. Le dernier album, j'ai adoré. Je t'avoue honnêtement que je ne l'ai même pas réécouté depuis ce temps-là. Parce que moi, je suis vraiment pas raciste. Puis j'ai aucune tolérance envers ça. Mm-hmm. Puis écoute, il y a beaucoup de preuves contre eux. Je trouve ça spécial parce que plus ça avance, plus il y a des preuves qui sortent, plus tu as tendance à croire, ouais, ben, je pense qu'ils sont pour de vrai. C'est sûr qu'ils n'en font peut-être pas la promotion dans le tune à part un des premiers démos, là, que c'était Fuck Your Jewish Jesus ou quoi de même. Your Jewish God. Ouais. On va faire comme ça. Non? Ouais. Mais, écoute, ça, mettons que. Ça a diminué mon appréciation d'Inquisition. Oui, je te dirais que oui. Je suis sûr qu'ils sont. Moi, là-dessus, je trouve... Autant je trouve que... Bon, évidemment, je ne tolère... Moi non plus, je ne tolère pas le racisme. Puis toute l'histoire alentour des nazis, c'est la pire histoire de... De l'humanité. De l'humanité. Sauf que je trouve que autant être nazi ou s'afficher ouvertement nazi, c'est épouvantable, autant se faire accuser d'être nazi, c'est épouvantable. Si c'est si c'est pas fondé. Parce que l'histoire aussi qui est sortie à propos du chauffeur d'autobus, qui est un ancien white power. Oui, c'est un ancien skinhead, oui. Donc lui, ce gars-là, c'est un ancien skinhead, tout ça. À un moment donné, il s'est ramassé dans un... à chauffer un autobus, puis lui, il dit que sont arrêtés à un moment donné sur le bord de la route, tout ça, il a enlevé son chandail, puis tout ça, c'était, au fur et à mesure que ce gars-là compte l'histoire, tu vois que c'était stagé. Il a un peu seté up les gars de Inquisition pour voir s'il était réellement... Ouais, parce qu'il y avait le swastika de tatoué sur le corps. C'est ça. Puis là, lui, il dit que quand il a enlevé son chandail, que les gars auraient eu... se serait esclaffé en pensant qu'il faisait comme « Oh, yeah! » tu sais. Et là, tu sais, c'est quoi l'affaire? C'est-tu une histoire de gaucho? Ce gars-là, c'est qui? C'est-tu un gars trop stable? Lui-même, c'est un ancien néo-nazi. Il essaie de prouver quoi? Tu sais, on le connaît pas. Tu sais, je veux dire, c'est parole contre parole. C'est pas genre, je sais pas moi, Randy Blythe qui crée un billet de blog absolument mémorable avec des tourneurs de phrases puis des affaires que tu fais comme « Holy shit, c'est quoi cette affaire-là? » Mais dans sa défense, le chanteur, c'était plutôt nébuleux ce qu'il disait. C'était effectivement nébuleux. Donc, moi, il m'a pas convaincu du tout. Ben c'est ça. Fait que moi, je peux pas dire que je peux pas dire que je crois à 100% la version du chauffeur d'autobus en question parce qu'on n'a aucune idée c'est qui ce gars-là. C'est peut-être une vengeance personnelle. On connaît pas le passé. Les gars d'Inquisition, moi, personnellement, je veux dire, je les connais, mais pas tant que ça. Je veux dire, j'ai rien lu de vraiment exhaustif sur eux autres tant que ça. Non, à part le side project du chanteur, qui est peut-être douteux aussi. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr que les accusations, je les trouvais un peu sketchy parce que c'était basé sur la parole d'un gars. La défense, je la trouvais un peu sketchy parce que il a dit ben ouais, j'ai fait comme oh, tu sais, puis lui il interprétait ça comme un oh en voulant dire oui, j'aime ça, puis dans le fait que c'était pas ça. Ouais. C'est quoi la vraie affaire? Puis là ben à propos de la toune qui s'appelle Fuck Your Jewish God, ben c'était clairement Fuck Jesus, tu sais, puis ouais. Fuck Jesus. Là, je pense pas que si tu dis Fuck Jesus, t'es nécessairement néo-nazi parce que Jésus était juif. En tout cas, moi, j'irais pas jusqu'à faire ce lien-là nécessairement. Tu sais, à ce moment-là, Cradle of Filth avec leur chandail Jesus is a cunt, c'est-tu les Juifs qui sont, tu sais? Ouais. Mais en tout cas, Mais en même temps, se faire accuser de ça, comment tu peux te défendre puis dire que tu l'es pas? C'est ça que je te disais aussi quand on s'est échangé une coupe de mer. Je trouve que c'est un peu un catch-22, tu sais. Tu le dis que tu te fais accuser, tu dis que tu l'es pas, les gens te croient pas, tu dis rien, les gens te croient pas, tu dis tu fais quoi là? Je veux dire, c'est assez difficile quand même là. Oui, mais je suis dans le doute, honnêtement. Là, moi, je pense que oui, mais en tout cas. Ben disons que l'univers de ces gars-là, ou en tout cas ce que c'est, dans la nature du black metal, disons là, ça pourrait être quelque chose de plausible. Oui. Disons ça comme ça. Oui. Moi, j'ai pas encore mis mon album au vidange. Tu sais, je me garde un petit... Non, ce qui était excellent le dernier, écoute. Une petite porte de sortie. Mais c'est sûr que si des informations qui se clarifient là-dessus, ben, on prendra une décision d'homme, comme on dit. Exactement. Parlant d'homme, on va en parler de tout un. Tim Lambesis. Ah, je pensais que tu allais me parler de Danzig. Ah, ben ça aussi. Ça, c'était un amateur de chats, ça. Hey, je vais le revoir au Rockfest. Je m'en vais au Rockfest, moi, là. Ah oui, avec sa portée de chat, ça va être beau à voir. Je vais le voir encore, Danzig. Je suis content, mon gars. Il fait des faces écœurantes. Ouais, c'est juste sa voix qui laisse à désirer, mais bon. Ouais, c'est ça. Fait que Tim Lambesis, il a eu sa sentence pour avoir tenté d'engager un tueur, dans le fond, professionnel, un hitman, comme on dit. Pour tuer son ex-femme. Ouais. Donc, lui, il avait plaidé coupable à ça. Quel imbécile. Et, ouais, hein, sérieusement. Quand tu repenses à ça, comment est-ce que le gars s'est fait pogner? Comme un idiot. Chris, qu'il n'a pas été prudent, pareil. C'est incroyable. Puis la sentence est pleinement méritée. Puis je pense même que j'aurais donné plus. 6 ans, c'est pas beaucoup. On sait très bien qu'à l'intérieur, il va avoir un bon comportement. Donc, il risque de sortir avant ça. Malgré que je connais pas les lois américaines tant que ça. Mais écoute, 6 ans, c'est pleinement mérité. Hein? Bien, c'est ça. Moi non plus, je connais pas tout le système judiciaire. Je sais qu'ici, au Québec, ça serait une excellente sentence. Quand tu regardes qu'il y en a qui... Ouais. S'en tire avec des quelques mois, là. Ouais, on a eu des cas dernièrement. Des quelques mois ou rien. Mais grosso modo, puis moi, c'est sûr que j'endose pas du tout qu'est-ce que ce gars-là il a fait. J'adore Tim Lambesis, l'artiste. Évidemment, j'endose pas ça, mais quand tu regardes comment est-ce qu'il s'est fait vraiment fait pogner comme un amateur, tu sais. Le gars, il a ça dans la tête, ça y trotte, puis l'entrevue qu'il a donnée aussi est excellente. Je sais pas si tu l'as lu. Je l'ai lu, mais il blâmait ça, c'est stéroïdes, bottom line. Ben, ça faisait partie un peu de... En fait, lui, il a plaidé coupable, puis il a pleinement avoué ses... Ça lui a pris du temps. Ça lui a pris du temps. Il a pleinement avoué ses torts de dire oui, c'était ça. Et, by the way, je blâme ça effectivement sur les stéroïdes parce que mon comportement a changé, puis ça m'a rendu plus agressif, et etc. Ouais. Mais tu sais, le gars... Tu sais, tu te dis, mettons, là, que tu décides d'entreprendre un projet comme ça, tu sais. Vraiment, là, ça te traverse l'esprit que tu te dis, si j'ai plus aucune porte de sortie, hein, la vie de mes enfants, puis ma relation que j'ai, puis le futur, faut que cette personne-là disparaisse. Lui en est venu à cette conclusion-là, à un moment donné. Il s'est dit, faut que mon ex-femme... Puis d'ailleurs, on connaît pas non plus le passé de cette fille-là. By the way, ça excuse rien, mais il peut y avoir des... Mais c'est lui qui a trompé, d'après ce qu'on comprend. Oui, en tournée, entre autres. Comme un bon vieux marin, finalement. Mais lui, c'était un des sœurs. Hein, parce que c'est un gros Jesus freak. Oui, oui. C'est des filles pures. Puis là, dans le fond, c'est que il s'en va au gym. Il commence à parler de ça. Puis à un moment donné... Comment est-ce que la discussion s'est ouverte là-dessus? J'avais lu le transcript. Là, c'était ben, c'est que lui, le gars à qui il s'est confié, qui s'appelait Red, non, il s'appelait pas Red, c'est le gars qui l'a pogné, c'est que lui, il s'est confié à son gars qui vendait les stéroïdes. Ouais, c'est ça. Puis comme lui, il disait, ben, tu sais, vu qu'il vendait les stéroïdes, il s'est dit, il doit te connaître un hitman, tu sais. 1 + 1 = 2. Donc, le gars, lui, le vendeur de stéroïdes, quand il a vu ça, ben là, il a contacté la police, puis là, c'est là que le certain Red est rentré en ligne de compte, et puis le Red est un gars de la police, et puis il l'a mis en contact avec lui, puis lui, il a dit, regarde, moi, je veux faire tuer ma femme, blablabla, puis c'est le même qui l'ont pogné. Mais moi, je comprends pas comment ça se fait que... Parce qu'au départ, là, tout ce qu'il y a eu à donner, c'est un dépôt de 1 000$. Chris, me semble, il aurait dû allumer, tu sais. Ouais. C'est bien plus cher que ça, là, faire assassiner quelqu'un. Là. Je dis pas si le gars il aurait dit « OK, man, là, tu m'emmènes 25 000 $ Surtout que lui, c'est une rockstar. Tu sais, je vais se dire, il a le cash. Hein. 1 000 $ man! Tu fais changer 4 breaks sur ton char puis ça te coûte plus cher que ça. Là, tu sais. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, semble, c'était comme trop ridicule comme montant. Genre, en tout cas, regarde, on connaît pas toutes les subtilités de cette affaire-là. Probablement que le gars était très crédible et il était très... Mais le plan était en branle. Il a donné son 1 000$ de dépôt. Les clés ou le code du gate pour aller à l'endroit où son ex-femme résidait. Puis tout était en branle, dans le fond. Là. Lui, absolument. Il restait un gars à tuer. Ça se faisait. Là, ouais. J'imagine qu'après ça, il y aurait eu un paiement pas mal plus imposant que ça à faire. Ah, puis pour rajouter encore plus de piquant à l'histoire, c'est que lui, après ça, il a été posté un message au nom du groupe. Ah oui? Puis comme il faisait comme si c'était pas lui qui l'écrivait. Là, les gars du Ben ont réagi. Hey, c'est lui qui a écrit ça, c'est pas nous autres. On n'a rien à voir avec le post de Azalea Dying. Là, c'était vraiment lui qui l'a écrit. Oui, parce que c'est lui qui était webmaster du site d'Azalea Dying. C'est encore plus ridicule. T'sais, tu vois que le gars, il a rien compris. Oui, c'est ça. En tout cas. Mais c'est pas drôle, t'es fait en rire. Ouais, ben c'est ça. C'est plate pour le gars. Il va aller réfléchir 6 ans en prison. Puis il y a déjà des gens qui parlent du Prison Album. OK. Ben, c'est un gars, ben, il y en a déjà qui disent... Parce que 6 ans, je veux dire, c'est quand même pas une éternité, là. Non, il est encore jeune. Il est encore jeune, il va écrire. Je veux dire, lui, c'est ni plus ni moins... c'est un créateur musical extraordinaire, là. La plupart du matériel d'Azalea Dying est composé par Tim Lambesis, tu sais. Il va faire comme le gars de Berzami, il va écrire des albums en prison. Ben, c'est ça. Il y en a qui se disent soit qu'il va faire un temps d'écriture absolument exceptionnel, puis quand il va sortir, il va avoir un label qui va l'accrocher tout de suite parce que ça va être attendu. Puis soit qu'il va partir à son nom, qu'il va se repartir à un autre band, ou Azalea Dying. Ou... Je sais pas, moi, si j'étais un label, je pense pas que je m'associerais à ce gars-là. Honnêtement, j'avais un label. Je me tournerais vers d'autres choses. Je devrais pas être associé à Lambesis pantoute. Ouais. Ben, tu sais, peut-être dans le... Tu sais, je dis un label, mais dans le fond, avec toute la possibilité de sortir du stock de façon indépendante aujourd'hui... Absolument. Je pense que... Puis d'ailleurs... Il y a assez un gros nombre pour vendre son stock par lui-même. Ben, c'est ça. Puis d'ailleurs, j'ai pas... À cause de toute cette histoire-là, ça m'a comme mis un frein un peu à mon... J'étais pour acheter le dernier de Austrian Death Machine qui vient tout juste de sortir. Qui apparemment est excellent. Ouais. Apparemment est excellent, c'est ça. Ça me fatigue, mais là, j'ai comme... À un moment donné, j'avais eu une discussion avec Bruno, puis lui, c'était clair dans sa tête là, qu'il veut plus jamais toucher aux affaires de Tim Lambesis parce que c'est le plus gros monstre, puis tout. Puis oui, là, c'est tout. Mais moi, je me disais, tu sais, par respect quand même pour les autres gars qui ont travaillé sur ce projet-là, parce qu'il n'est pas tout seul à avoir enregistré Austrian Death Machine. Non. Je me disais, je pourrais quand même peut-être acheter l'album. Les autres gars, je suis sûr qu'ils n'étaient pas au courant de ses plans. Ben non, mais c'est ça. Mais finalement, je ne l'ai pas acheté. Je vais laisser ma conscience tranquille là-dessus. Je vais... Correct, ça. Moi non plus, je n'achèterai pas. Je vais attendre un peu. Autre affaire, Nergal, bon vieux Nergal de Behemoth. Oui. Lui, mais... il se fait aller à la gueule pas mal hein, depuis quelque temps. C'est sûr qu'il arrive plein de bad luck, mais en même temps, écoute, il a une grosse tête, le bonhomme. Là, il se fait dire qu'il est bon, puis là, je pense qu'il y croit vraiment. Puis son commentaire, comme de quoi la musique extrême, c'est un angle de la masturbation. Puis disant, finalement, écoute, je pense qu'il devrait peut-être s'ouvrir l'esprit puis écouter un peu de musique, puis pas qu'écouter la sienne. Hein. Ben, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu... C'était drôle parce que quand je lisais, puis je peux comprendre un peu où il veut aller avec ça, parce que tu peux pas généraliser. Tu peux pas généraliser. Il y a certains bands ou il y a certains sous-genres de musique extrême qui fonctionne sur une formule, puis oui, c'est juste du ramassis. Il y en a qui aiment ça, tu sais. Mais de généraliser ça dans un discours un peu mononcle, j'avais l'impression d'entendre mon beau-frère qui connaît pas le métal, tu sais. Exactement. J'ai déjà eu une discussion à un moment donné avec mes deux beaux-frères. Ouais, toi, t'aimes ça, je comprends pas trop. Il me semble que c'est juste tout le temps du bruit, c'est tout le temps la même affaire. J'ai l'impression que c'était ça, tu sais. Ouais. Tu sais, puis... Pourtant, le gars, il y a un band quand même assez heavy, hein? On s'entend. Ben, ça, puis Behemoth, c'est très bon. Le dernier album de Satanist, c'est un très bon album. Oui. Mais comme tous les autres, je les aime toutes. Hein? Je les aime toutes aussi, mais c'est pas comme si le gars avait... Le gars fonctionne quand même sur la formule Behemoth, puis il a pas tout réinventé non plus. Là. Absolument pas. C'est amélioré avec le temps. Mais c'est amélioré. Il faut pas non plus qu'il vire fou. Je pense qu'il y a un paquet de bands qui font des trucs vraiment, vraiment intéressants, soit en revisitant des sons du passé ou en créant des nouvelles choses. T'sais. Mais moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça qu'un musicien qui vient dire que les autres font, c'est de la merde. Puis, wow. Ben, moi, j'ai parti un nouveau trend. À cette heure, quand je trouve un nouveau band, sur Twitter, je vais partir un hashtag, c'est Ask Nergal. Ouais. Avec ça, on va avoir la vérité, mon homme. Et puis... Parlant de deux sujets qui se rapprochent pas mal, qui sont des pétitions. Ça, là, en 2004, ben pas juste en 2014, mais depuis, évidemment, l'avenue des réseaux sociaux puis du pouvoir des gens qui ont sur donner la parole aux gens et tout, c'est très fort. Ça a du bon, ça a du mauvais. Donc là, la dernière pétition en date, c'est une pétition pour empêcher Metallica de jouer au festival Glastonbury. Oui. Qui est un festival en Angleterre qui existe depuis 40 ans, qui est sur des grandes terres, la terre d'un fermier. C'est un bonhomme qui est rendu à 78 ans, je pense, ou en tout cas dans ces coins-là. qui s'est parti ça à un moment donné, puis que évidemment, c'est un, vu que c'est un fermier, ben il y a toute une, il est très proche, disons, au niveau de du mouvement hippie, puis du green, puis bon, tout ça. Puis là, ben la pétition, les gens qui font ça disent, Chris, ça n'a pas de bon sens que Metallica aille jouer là, puisque James Hetfield est un grand chasseur. Lui, il aime beaucoup la chasse à l'ours. Puis il ne l'a jamais caché. Écoute, du plus loin que je me rappelle, il a toujours mis des photos qu'il chassait et qu'il trippait. Il l'a toujours dit. Oui, exact. C'est rien de nouveau. Ceux-là qui viennent de découvrir ça, c'est parce qu'ils viennent de découvrir Metallica. Ben, écoute, c'est parce qu'ils viennent d'annoncer qu'il va être le narrateur d'une émission, je pense, sur History Channel, je pense. Oui, mais tu sais, il en a toujours parlé. C'est une de ses passions. Oui. Donc, je peux comprendre que les gens veulent pas voir Metallica ou Glastonbury parce que c'est un festival un peu plus hip. Il y a beaucoup de groupes alternatifs. Il n'y a jamais eu vraiment de band metal qui ont joué là. Mm. Comme ça faisait bizarre quand Metallica avait joué au Lollapalooza aussi. Il y avait du monde qui n'était pas content qu'ils jouent au Lollapalooza parce que ça n'avait rien à voir avec Jane's Addiction. T'sais. Mais je peux comprendre. Ça, je peux comprendre que le monde ne veut pas y voir là. C'est tout à fait normal. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire là, moi aussi, d'ailleurs. Mais de blanc, mais ça, c'est le fait qu'ils aiment la chasse. C'est complètement ridicule. Effectivement. Puis là, j'ai regardé tantôt. J'ai pas regardé le nombre de signatures sur la pétition, mais sur la page Facebook de la pétition en question, il y a 25 000 likes. Mm. Donc, c'est pas nécessairement 25 000 signatures. On le sait, là, des likes, ça vaut ce que ça vaut. Donc, c'est quand même un support quand même assez appréciable, je te dirais. Mais là-dessus, on s'entend, il y a bien des haters de Metallica qui ont juste vu une pétition passer contre le groupe. Ben oui. Puis ils ont dit, on va aller troller là-dessus, Steve, fuck them all. Puis, tu sais, c'est le fun de haïr Metallica quand même. Oui, absolument. Même si on les aime, tu sais, c'est comme un love-hate relationship. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme... C'est le fun des haïr, mais on les aime pareil. Ouais, c'est ça. Puis moi, là-dessus, je te dirais que je suis assez partagé dans le sens que je comprends ce que les gens veulent dire par rapport à la des gens qui ont une conscience de l'environnement et tout. Si on met complètement le côté musical de côté, simplement une question de conscience de l'environnement et tout, parce que, tu sais, il y a la chasse pour se nourrir. Et il y a la chasse sportive. Oui. Moi, je ne suis pas un chasseur. Je suis un pêcheur occasionnel. Et autant que possible, j'essaie de pêcher des poissons que je vais garder pour les manger. Absolument. Sans ça, j'y remets à l'eau. Ben voilà. Donc, moi, tout ce qui est pêche sportive, simplement pour le plaisir d'attraper un poisson, à ce moment-là, tu le remets à l'eau. Le dommage est relativement minime. Mais au niveau de la chasse sportive, c'est un peu dur de ne pas trop faire mal à l'animal, tu sais. Mm-hmm. Tu le tues pour le plaisir de l'avoir chassé puis de l'avoir traqué. Et ça, à ce niveau-là, moi, je suis pas très pour ça. Puis je sais que James Hetfield a déjà été dans des voyages de chasse. Entre autres, son voyage de chasse à l'ours en Russie, je crois, qui avait été documenté dans Some Kind of Monster. Et comme il disait dans le film, l'animal, tu pouvais pas le manger parce qu'il venait juste de sortir de l'hibernation. La viande était comme contaminée. Oui. Fait que c'est un petit peu chasser un animal pour rien. Je veux dire, oui, peut-être qu'ils ont gardé la peau, whatever, mais c'est un petit peu une perte. Tu sais, je veux dire, oui. Ça sert à quoi? Fait que ça, de ce côté-là, tu sais, moi, j'encourage pas ça. Je suis pas pour ça. Je vais pas arrêter d'écouter du Metallica, mais je pense qu'il y aurait peut-être une. Il faudrait peut-être qu'ils clarifient la situation. Je sais pas si avec un communiqué ou whatever, ou que. Juste pour clarifier un peu sa position là-dessus. Parce que moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que, tu sais, c'est pas une pétition comme ça qui va faire revirer de bord le band. Sauf que le bonhomme, par exemple, le propriétaire de Glastonbury, je pense que si cette pétition-là ou ce mouvement-là l'atteint lui personnellement ou des membres de sa famille, mettons que sa fille ou sa belle-fille se documente là-dessus puis se rend compte que, oh my God, esti, tu te rends-tu compte, grand-papa, ce gars-là va venir chanter sur tes terres, un festival que t'as bâti, puis il chasse des animaux pour le plaisir. T'sais, peut-être qu'il va mettre ses culottes là-dessus, ça, c'est très possible. Hein. Ce que je trouverais qui serait absolument épouvantable pour les gens qui ont acheté des billets, parce que les billets sont vendus longtemps d'avance pour le Glastonbury. Absolument, puis Metallica, c'est un aspect financier qui n'est pas dédaignable. Il y a plein de gens qui vont aller à Glastonbury qui ne seraient jamais allés. Évidemment, effectivement. Donc, puis lui, en plus, peut-être que sa porte de sortie, parce qu'il remet beaucoup de cet argent-là, lui, à des œuvres. Oui. Donc, peut-être que sa porte de sortie, ça va être, garde, une portion monétaire de ce que je vais recevoir de ce festival-là, parce que ça va bien marcher avec Metallica, je vais tout le donner à un organisme de protection pour les animaux. Ouais. Ça pourrait être un Christy de move intelligent, ça. Oui, absolument. Puis là, c'est sûr que Manowar ne joueront jamais là non plus, parce que toutes les peaux d'ours et les peaux d'ornard qui ont su de dos pour jouer, ils ont pris ça quelque part, c'est pas synthétique, là. Ben, leur huile... Manowar, il est-tu avec l'humain? Moi, selon moi, l'huile qui se met sur le corps, là, c'est toute de l'huile naturelle, de l'huile de phoque, je pense. Non, c'est de l'urine de cheval, tout simplement. Fait qu'en tout cas, c'est une histoire à suivre, ça. Je pense pas que ça va vraiment ébranler Metallica, le groupe, mettons. Là, je pense qu'ils ont vu déjà bien pire que ça. Absolument. Puis j'espère que ça fera pas reculer non plus James Hetfield dans son projet de narration pour la série, je pense que c'est la série The Hunter ou Hunting, je sais pas trop, parce que j'étais intéressé de la voir, tu sais. Pas parce que j'aime la chasse, parce que je voulais voir sa performance de narrateur. Ouais, en tout cas, dossier chaud. Dossier chaud à suivre. Et une autre pétition, ça, c'est pas tellement un dossier chaud. Ça, selon moi, ça va mourir très rapidement. C'est la pétition la plus stupide au monde, je pense. C'est la pétition. C'est des gars qui ont parti ça. C'est une pétition qui demande au groupe Whitechapel de réenregistrer leur album. Ou, en tout cas, de remixer, là, mais eux autres, ils disent vraiment... Ben, c'est réenregistrer les tracks de guitare avec des amplis à lampe. C'est ça! Parce qu'eux autres, ils trouvent que le nouvel album de Whitechapel, qui est très bon d'ailleurs, que j'aime beaucoup... Qui sonne en crisse. Qui sonne en crisse, puis est très bien reçu par leurs critiques. C'est leur premier album qui a craqué le top 10 du Billboard. Absolument, c'est impressionnant. Déjà là, c'est très impressionnant. Exact. Fait qu'eux autres se disent... Tabarnak, ça sonne donc bien digital, ça sonne donc bien processé. Le drum, il sonne vraiment bien, mais les guitares, ils sonnent vraiment, là, crème, on n'aime pas ça. Je pense que c'est l'album de Whitechapel que les guitares sonnent le mieux, honnêtement, non? Je pense, en tout cas. Hein? L'album d'avant, ça sonnait très bien aussi. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Puis là, dans le fond, c'est moi je m'y connais pas, je suis pas un ingénieur de son, je m'y connais pas tant bien que ça, mais c'est Christian Donaldson de Cryptopsy. Ouais. De Mitosis, qui enregistre des bands, qui est venu sur notre page Facebook pour nous présenter un peu c'était quoi l'engin en question, le Camper. Ouais. Ça, c'est le Camper, dans le fond, c'est une nouvelle machine qui est sortie, ça s'appelle le Camper Profiler. Ça vaut à peu près là, 2000 quelques dollars. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça va créer un profil d'un son que tu vas produire avec une ampli à lampe. Ouais. Ben oui. Mettons que tu prends ton Marshall ou que tu prends ton PV5150, tu fais ton son, tu dis « Asti, ce son-là, je l'aime, je veux le garder à tout jamais, puis je veux pouvoir le transporter avec moi. » Tu plugues ton Camper là-dessus, il grab toutes les données de son, là, puis j'ai vu une démo sur Internet. Là, il fait c'est impressionnant. Il fait des astis de son puis des affaires à pu finir. Puis après ça, t'as le son, il recrée le son que tu lui as demandé de faire. Donc, ultimement... Le son qui sort de là a été créé par un ampli à tube. Exactement. Et puis, c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il pourrait le refaire, mais personne s'en apercevrait. Ben, c'est ça. De toute façon, c'est le son du band. Si t'aimes pas ça, Whitechapel, shut the fuck up. En tout cas, c'est vraiment drôle. Puis j'ai été voir tantôt, là. Puis ça me fait penser un petit peu aux campagnes de financement là, catastrophiques. Il y avait 49 personnes qui avaient signé là. La pétition. Hey, ça, c'est de l'appui, mon homme. Tu sais, ils sont à peu près 5-6 chums qui l'ont fait au départ. Fait que t'en enlèves 5-6 sur la gang. Fait que t'as 43 inconnus à travers le monde. Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui puis hier, là, ça s'est promené beaucoup sur les sites spécialisés. Là. Absolument, on a entendu parler partout. Moi, je me suis dit, il va y avoir des haters ou du monde un peu illuminé qui vont signer ça. Il va en avoir 1000 cucs, tu sais. 49. Wow, c'est impressionnant comme chiffre. Ils vont peut-être se rendre à 69 s'ils sont chanceux. Peut-être après le podcast, ça va monter. Ah, si, bon, j'en revenais pas. Hey, écoute, c'est des choses comme ça, man, qui font que le métal, c'est divertissant. Ouais, puis le métal en prend encore une claque avec l'histoire de Moncton depuis hier soir, parce que là, ils ont découvert que le gars avait mis les paroles d'une toune de Megadeth et de Death Clock aussi. Oui, d'ailleurs. C'est encore le métal qui mange la claque pour ça. Les jeux vidéo aussi. Parce que oui. C'est un triple de jeux vidéo. C'est encore une fois, c'est n'importe quoi. Ça, je disais à Marie-France Rémillard sur Twitter, je disais, j'aurais pas pu écouter du Justin Bieber. Il me semble que ça me rendrait plus agressif d'écouter du Bieber que du Megadeth, là, mais en tout cas. Puis d'ailleurs là-dessus, ben évidemment, en voyant qu'il avait partagé des lyrics de Megadeth, ça rappelait l'événement de Concordia. Absolument. Avec Kim Virgil, qui avait aussi partagé des paroles de Megadeth. Fait que là, les plus illuminés vont dire, mon Dieu, Megadeth, ça crée des meurtriers, ça, là. Puis j'ai écouté tantôt, je savais qu'il y avait une personne qui sauterait là-dessus à pieds joints, parce que je le connais quand même assez bien, puis c'est Benoît Dutrisac. Absolument. J'ai vu ça sur Twitter à midi, j'ai pas entendu l'émission, mais je voyais du monde qui commentait. Puis effectivement, il a sauté là-dessus, mais il s'est pas mal fait détruire son... ce qui avançait par... je me souviens plus, c'est un monsieur Lacourse. Son nom de famille, c'est Lacourse. C'est un gars qui fait des études, qui a fait des études là-dessus. Et il vient de conclure une étude sur les effets du heavy metal qui va sortir l'automne prochain. Et il a tout défilé ça, mon chum. J'ai partagé le lien sur Twitter, le lien audio. C'est une discussion super intéressante parce que le gars a fait... Va sortir justement cette étude-là cet automne, puis pour lui, il en est venu à la conclusion qu'il n'y avait aucun lien avec la musique heavy metal et le fait d'avoir le goût de tuer des gens. Quelqu'un. Ouais. Puis là, il était vraiment, Benoît était vraiment insistant, il disait, ben voyons donc, puis il partage les paroles, je peux pas croire que ça influence pas, puis il dit, tu sais, un fan, mettons, de Lara Fabian ferait jamais... Je peux pas croire qu'il ferait des affaires de même. Attention! Attention! Et là, je me suis rappelé, j'étais allé refouiller sur Internet, puis j'ai envoyé un tweet à Benoît, puis j'ai dit, fais attention, Richard Henry Bain, qui a essayé d'assassiner Pauline Marois, c'est un grand fan de Céline Dion. Oui. Il écoute pas de métal, ce gars-là, là. Non, c'est sûr. Fait que... Puis... Il n'y en a pas de lien. Il n'y en a pas. Puis ce qu'il dit, le gars, puis je ne veux pas lui donner un titre qu'il n'y a pas, là, mettons, c'est un sociologue ou peu importe c'est quoi. Il disait, dans les pays, par exemple, comme un pays comme le Japon, où ce que à la télévision, c'est parmi les pays où c'est le plus violent, et dans les jeux vidéo, c'est le plus violent, c'est un des peuples les plus pacifiques. Effectivement. Et en Norvège, à certaines exceptions près, c'est quand même un pays qui est quand même très pacifique. Dans lequel la Suède, beaucoup de métal. Oui. Puis moi, j'étais content, mon gars, que ce gars-là, il sorte ces informations-là. Ça l'a cassé ça, bien net. Ça va sortir cet automne. Je vais me procurer ça, cette belle... C'est sûr. C'est sûr que j'ai hâte de lire ça, parce que moi, je l'aime en général, du Trisac, mais des fois, je trouve qu'il pète sa coche un peu, puis qu'il va un peu trop loin. Puis ça, c'est une tentative de faire passer le métal puis les jeux vidéo pour... En tout cas, c'est cheap. c'est sûr que quelqu'un de malade, quelqu'un qui a une maladie mentale puis qui a besoin d'une béquille d'envie, tu sais, il va aller s'en chercher une béquille, que ce soit le métal, les jeux vidéo, la religion, oui. Peu importe quoi. Puis après ça, oui, peut-être que ça va l'amener dans un chemin un petit peu plus obscur. Moi, je nie pas ça, tu sais. Si quelqu'un est fucké dans la tête, là, solitaire, là, qui s'enferme dans un ustensile sous-sol, là, puis qui écoute juste du funeral doom, mettons, là. Le gars-là, man, il va pas bien aller, là. T'es sûr? Tu sais, j'ai pas grand espoir pour son... Il se lèvera pas de son lit, puis il se dira pas, ah, c'est fuck, man, je m'en vais me promener dehors, tu sais. Fait beau. Il y a des fortes chances que s'il est déjà un petit peu dans son obscurité, puis dans la collection de couteaux, puis des armes à feu, puis des choses comme ça se peut que ça y aille plus loin, tu sais. Mais en tout cas, c'est pas le métal responsable de ça, ça. Ben non. S'enlever ça de la tête. Puis, fait que ça fait le tour de nos petites actualités. Ça va nous laisser un petit peu de temps pour le sujet principal du podcast qui est carrément, justement, parlant métal, l'élitisme et le purisme. Oui, que je parle de temps en temps dans mes critiques, parce que ouais. J'ai tendance à rire de ça, oui. Oui. Puriste, puis ceux-là qui crachent sur Def Heaven, puis ouais. C'est ça, là, oui. Ben Def Heaven, c'est un autre beau phénomène, parce que c'est rendu le fun, un peu de blaster Def Heaven. D'ailleurs, il y a quelqu'un, moi, je suis allé au Grimposium à l'Université Concordia, oui, ça devait être intéressant. C'était très intéressant. Puis il y avait un gars, là, je me souviens plus, il appartient à quel organisme ou à quel... il y a un label, en tout cas. C'est le publisher du livre de Jason, de Misery Index, okay. Que j'ai acheté dernièrement, là, qu'il faut que je lise. Puis lui, il a eu la chance de voir plusieurs entrevues des gars puis de leur parler, puis ça. Puis selon lui, c'est des trolls professionnels. Lui, il dit c'est des professional trolls. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils font. Ils savent exactement pourquoi ils ont fait une pochette rose. Ils créent de la musique avec leur cœur, mais l'espèce de... ils ont livré un produit en sachant très bien que c'était pour créer la controverse. Possible. C'est sûr qu'une pochette rose en partant... Ça, écoute, la pochette a l'air d'une boîte de Kotex. Non? Oui. Mais le produit, il est là. Parce que si tu regardes avec la pochette, puis t'as jamais entendu l'album, t'es sûr que c'est de la merde. Mais quand tu l'écoutes, c'est solide. Ah oh, oui, c'est. Mais tu sais, j'adore ça. Puis quand tu vois les gars, tu sais, j'ai vu les gars au Revolver Golden Gods, tes voix arriver là, c'est tabarnak, c'est ça. Tu penses que c'est des gars des FI, exact. Je fais pas aucun jugement, là. Je veux dire, t'as le droit de t'habiller comme tu veux. Je veux dire, pour moi, c'est pas blanc ou noir, là. Tu sais, je suis pas. Et moi-même, j'ai pas les cheveux longs, puis je m'habille pas tout le temps en noir, puis tout ça, mais... Fait que Def Heaven, ça l'a ramené vraiment ce sujet-là, oui. De l'élitisme. Il y a un gars sur le magazine Noisy qui a écrit un article qui est « Why are black metal fans such elitist assholes? » Ouais, je l'ai lu, ça. Ouais. C'est lui, dans le fond, puis ça partait direct de Def Heaven. Oui. Parce que lui, il est arrivé dans un spectacle, puis là, ils se sont mis à parler, puis lui, le gars, c'était un espèce de die-hard fan de black metal norvégien avec toutes des bandes que personne connaît. Puis quand il a parlé de Def Heaven, ben là, c'est évidemment pour le gars, pour le black metal, le fan de black metal pur, Def Heaven, c'est pas du black metal. Ouais, mais écoute, moi, j'en ai parlé même avec le chanteur un peu de New Nuclear cette semaine. Tu sais, il se disait, tu sais, c'est large, le black. Là. Tu sais, si tu t'en tiens à vraiment à faire du stock, hein, comme dans le temps hein, qu'à faire du stock un peu comme Dark Funeral, des affaires de même, tu n'avanceras pas, tu ne fais pas avancer la cause. Il faut que ça s'élargisse. Hein. Tu sais, ça ne peut pas être qu'une manière de faire du black metal. Il n'y en a pas un qu'une. Tu ne peux pas faire du Dark Throne tout le temps ou faire du Mayhem tout le temps. Tu sais, il faut que tu élargisses ton horizon. Puis, je trouve que Def Heaven, c'en est un bel exemple. Tu n'es pas obligé d'avoir tout le temps un corpse paint. Ou, je trouve, moi, personnellement, je trouve ça ridicule. Ouais. Mais tu sais, ça va dans un... Moi, j'ai ressorti même les définitions de élitisme puis de purisme pour vraiment faire la distinction des deux, parce que je les mélangeais un petit peu, moi, dans ma tête. L'élitisme, c'est une attitude qui tend à défavoriser la masse et qui instaure un clivage entre dirigeants et dirigés. Mm-hmm. Fait que c'est des gens vraiment... Disons, un amateur de métal élitiste, lui, par ses convictions puis par ses choix musicaux, il va se mettre au-dessus de la masse, mettons, des lecteurs, mettons, de Revolver Magazine. Oui. Puis il va les mépriser. Oui. Bon. Ça, moi, je trouve que, dans un sens, on est tous l'élitiste de quelqu'un. Absolument. Donc, moi, je le suis, c'est sûr. Donc pour moi, t'es un élitiste et pas nécessairement un esti de trou de cul. Non. Moi, c'est sûr que si j'arrive dans un bar puis je parle avec un gars, puis le gars, il est bien convaincu de son affaire, puis c'est Five Finger That Punch, puis c'est Disturbed, puis Metallica, puis... Moi, je parle plus. Hein. Dans ce temps-là, avant, j'avais tendance à aller m'estiner, puis à ce temps, je disais, ah, ouais, c'est cool. Non, mais si ce gars-là est avec sa gang de chums, puis toi, t'as un chandail de, je sais pas, moi, de Doom Riders, mettons, ou de So Hide His, puis de n'importe quoi, tu sais. T'as découvert ça, toi, t'as découvert autre chose que ce que le gars, il te parle. T'es plus vaste que ça, toi, dans ton univers de métal. Puis tu te mets à y parler, tu vas passer par un élitiste, tu vas passer par un trou de cul. Absolument. Un mange une marde, un gars qui pense qu'il connaît tout le métal meilleur que lui, puis lui pourrait ultimement arriver sur Facebook puis dire « J'ai rencontré un hostie métalleux, un intellectuel qui connaît tout, puis il me parlait de bandes que je connaissais pas, puis va donc chier. » On a tous passé par là. On a tous passé par là, puis jusqu'à un certain point, c'est agréable. C'est agréable de se faire dire que on recherche la qualité où on va plus loin dans notre désir de satisfaction. Oui, c'est ce que j'essaie de faire, entre autres, avec les critiques. J'aime ça faire découvrir du stock à du monde. Ben c'est ça. Fait que pour moi, l'élitisme, c'est pas une mauvaise chose. C'est sûr que si tu as une attitude méprisante envers ces gens-là, si tu dis à ce gars-là, « Ben, sais-tu quoi, moi, si j'en connais en crise des bons bands, va donc refaire tes classes de métal, puis va donc écouter ta crise de marde. » Ben là, t'as pas une super attitude, tu sais. Non, non. Là, à ce moment-là, tu peux faire comme toi, puis dire, ben, c'est cool, man, écoute, Disturb, tout ça, là, t'écoutes des affaires que j'écoute pas vraiment, t'écoutes, t'es stické encore sur Pantera, bon, c'est correct, là, mais il y a peut-être d'autres choses, tu sais, si tu veux, donne-moi ton courriel, je vais t'envoyer des titres, tu sais. Ouais, puis ça, je le fais. Les choses comme ça peut se faire, tu sais. Moi, ouais. Je pense que si tu te reconnais comme étant un élitiste, puis que tu penses que tu connais des choses meilleures que les autres, je pense qu'à ce moment-là, tu as tout avantage à partager ton savoir. Sans faire chier le monde, nécessairement. Sans faire chier le monde. Et si la personne aussi est réceptive à l'autre bout, ben ça, c'est l'affaire. Tu as l'élitiste, puis tu as le boucher aussi. Tu vois, il faut que tu saches décider si l'autre est intéressé ou pas. C'est ça, tu sais. Puis au niveau du purisme, ça, c'est, à la définition, c'est visant à privilégier un usage dit pur qui interdit toute évolution et notamment tout emprunt. Pis et ça, c'est plus les tripeux black metal. Là. C'est ça. Dans l'article du gars, c'est pas tant des élitistes que des puristes. Oui. Déjà, en partant, c'était un peu... Moi, j'ai trouvé quand même que son article était quand même très agressif. Puis je trouvais que c'était vraiment écrit de la part d'un gars qui a clairement trippé sur l'album de Death Heaven puis qui est pas capable d'accepter qu'il y ait des gens qui critiquent l'album, tu sais. Ouais. D'où le terme que j'ai donné, que j'ai dit que c'était de l'herbe à chat pour les fans de Death Heaven, tu sais. Mais ben c'est ça, j'en reviens à ça, tu sais. Il faut être capable d'ouvrir ses horizons, puis on peut pas... Si on regardait avec les roots, puis on évoluait pas dans la musique, et, il me semble que ça viendrait plate assez vite, surtout pour ce qui est du black metal. Mais moi, je dois avouer que j'ai quand même... puis je trouve que c'est... Faut pas oublier non plus que c'est on parle quand même de la musique métal, tu sais. C'est une musique qui reste quand même underground, puis qui reste quand même assez... tu sais, il y a beaucoup de sous-genres. Tu sais, dans le pop music, là, il y en a pas de purisme. Non. Tu sais, tout est acceptable, tout est faisable. Les emprunts, le sampling, le ci, le ça. Mais dans le métal, là, si on veut que ça reste comme c'est du métal... Moi, je pense qu'il faut accepter qu'il y ait du purisme. C'est correct, moi, je pense qu'il y en a qui revendiquent des racines de death metal très pures, des racines de black metal très pures. C'est ça qui fait conserver le genre puis qui fait que c'est ce que c'est. Puis tu retrouves ça pas dans le metal, tu retrouves ça beaucoup dans le rap. Exact. Ça va revenir très souvent, ça va revenir beaucoup dans le jazz, beaucoup dans le classique aussi. Est-ce que tu as vraiment des puristes qui acceptent rien, qui va sonner un peu moderne? Ben voilà. Puis je pense que c'est correct jusqu'à un certain point. Moi, j'avoue que j'ai un côté puriste sur certaines affaires. Pour moi, il y a des recettes qui sont les bases d'un sous-genre que j'aime retrouver. Puis que si tout est défaite, puis tout est nouveau juste pour le fun de s'ouvrir à des nouveaux sons. Oui, mais non en même temps. Je dois être un peu puriste parce que baby metal, je suis juste pas capable. Ben, tu vois. Puis pourtant, si tu étais ouvert d'esprit, tu accepterais ça à bras ouverts. Je suis très ouvert d'esprit, mais trois filles qui dansent du metal avec des voix nasillantes, je suis juste pas capable. Ça va être spécial au Heavy Montréal, ça. D'ailleurs, ces trois petites filles-là, je pense qu'ils sont mineures, si je me trompe pas. Hein? Absolument. Je pense qu'elle est plus vieille à 17. J'ai comme un. Comment je dirais bien ça? Je sens comme une espèce de malaise. Est-ce que je suis le seul que ça fait ça? Je trouve ça sec un peu, mais bon, c'est correct. Ben, c'est de culture japonaise. C'est ça, là. C'est des mangas, des jeunes filles, c'est des enfants, là, tu sais. C'est des... Bon, ils sont presque rendus adultes, mais des très petites voix de... C'est... Je sais pas, man. À quand le retour des Baby Spice? Ouais, c'est ça, là, l'affaire. Mais ça a été une bonne prise par l'AV Montréal de les avoir quand même, parce que c'est un phénomène, puis ils sont quand même très en demande. Absolument. C'est gros. Présentement, c'est très gros. C'est très gros. C'est partagé, mais justement, le spotlight est là-dessus à cause que le monde en parle. Oui, puis il va y avoir une grosse curiosité aussi. Les gens vont y aller par curiosité, parce que veut, veut pas, on se le cachera pas, puis je veux vraiment pas généraliser, mais je sais qu'il y a des fans de baby metal ou des gens qui regardent ces clips-là un peu par voyeurisme. Peut-être. Pas mon cas, parce que j'aime vraiment pas ça. Je suis même pas capable de te faire 10 secondes. Ouais, mais ferme le son aussi. Fais juste regarder les images. Même pas. Je tripe pas ces petites filles. Mais en tout cas, c'est quand même une prise intéressante. Puis d'ailleurs, ça, c'est un petit aparté EV Montréal qu'on fait, mais d'ailleurs, quand ils ont annoncé l'avenue de baby metal, ils ont annoncé en même temps l'avenue de Horse. Absolument. Hey, ça, c'est une petite belle prise. J'avais donné ce nom-là à Evenco. J'avais dit, faut que vous fassiez venir ces gars-là. Ben oui, mais je pense que c'est ton input qui a fait qu'ils sont là. Je pense que oui, man. Sérieusement, parce que qui a parlé de Horse à part nous autres? Personne. Personne. Il y a peut-être Yannick Tremblay qui en a parlé, mais je suis pas sûr. D'habitude, je lis le stock qui est écrit. Y en a-tu parlé? Je vais y demander, parce que je pense pas qu'il en ait parlé. Voir, en tout cas. Hein? Je pense que ça a passé. Si on a parlé, écoute, je regarde, il n'y a pas beaucoup de critiques. Quand c'est des critiques, quand il y en a, c'est sur des sites underground qui ne sont pas très lus. Donc, c'est pas un band qui est très connu, mais qui gagne à devenir, parce que moi, c'était dans mon top 10 l'année passée. Ça. Je pense que ça, puis DRI, on peut les attribuer. Ben, en fait, ça, Nick Farkas de Evenco m'avait avoué que ça faisait quand même plusieurs années qu'il travaillait à faire venir DRI, mais j'ai évidemment mis de la pression 2-3 ans de fil pour... en tout cas, si c'est mon humble contribution, tant mieux. J'espère juste pour qu'on passe les lignes, c'ti. Mais ça va être malade, ça. Hey, mon gars, c'est un rêve d'enfance. Je les ai jamais vus, c'est comme... j'espère que je vais pouvoir être là. Je vais tout faire à mon possible. Oui. Ah, ça serait bien le fun, en tout cas. Fait que tout ça pour revenir, en le fond, à notre sujet de l'élitisme puis du purisme, moi, je pense que... Puis les deux, autant les élitistes que les puristes, c'est toujours vu négativement. Parce que c'est toujours vu comme un manque d'ouverture, un manque de c'est quelqu'un qui veut pas évoluer, c'est quelqu'un... Tu sais, si, mettons, exemple, je vais te donner un exemple bien simple. Tu me parles, mettons, de Devin Townsend. Tu sais, moi, je ne l'aime pas. C'est un gars qui fait évoluer beaucoup. Absolument. Le métal. C'est un gars qui a brisé toutes les barrières puis toutes les conventions. Mais le problème, c'est que si je dis que je l'aime pas, ben souvent, il va y avoir quelqu'un quelque part qui va me dire « C'est bien, t'es un puriste. T'acceptes pas les différences. Puis t'acceptes pas les... » Alors que c'est pas tout à fait ça, tu sais. Je trouve que des fois, une bonne vieille recette de pâté chinois avec du steak haché, du blé d'Inde puis des patates, c'est bon de même. Ça veut pas dire que si toi tu le fais avec du fenouil, des lentilles puis des patates sucrées, que c'est peut-être que c'est meilleur, mais moi je le veux de l'autre façon, tu sais. Je pense que bottom line, le but dans tout ça, c'est d'être capable de respecter l'opinion des autres. puis de pas écœurer le monde avec ça, si possible. Tu peux exprimer ton opinion, c'est parfait. Mais de là à dire que ça, c'est moi, ce que j'écoute, c'est bon, puis toi, ce que t'écoutes, c'est de la merde, il y a une différence. Hein, à moins que ça soit vraiment de la merde. Ouais, là, comme Five Finger Death Punch. Et je vais les voir, d'ailleurs, au Rockfest. Ils sont là aussi. Puis ils pognent. Hein. L'autre jour, je me posais la question. Est-ce que je connais quelqu'un qui aime Five Finger Death Punch? Mais c'est sûr. J'en connais, non? Aucun. J'en connais pas un. Je connais pas personne qui aime ça. Aucun. Ou qui l'avoue. Là. Mais qui peut-être qui c'est enfloué puis il veut pas le dire. Mais je connais personne qui aime ça. Pourtant, hey, ils vendent des albums. Ils vendent des albums. Je suis allé voir sur SoundScan ce qu'ils avaient vendu des deux derniers, les deux derniers albums qui ont sorti presque simultanément. Là. Mm. Puis ils en ont vendu un shitload. Hein. Ah, c'est un produit qui est très, très apprécié. Puis moi, je comprends exactement pourquoi. Là, je veux dire, le son, l'approche, la réalisation, c'est tout. C'est une approche métal commerciale. Là, tu sais, c'est. Absolument. C'est comme un boys band, tant qu'à moi, mais dans le métal. Ouais, puis c'est assez agressif pour être plus agressif que ce que la moyenne des gens écoute. Puis à l'occasion, c'est assez soft, puis assez mielleux pour venir balancer, tu sais. Puis moi, là-dessus, tu sais, c'est arrivé déjà à l'occasion que. Puis il y en a des fans de Boulevard Brutal qui aiment beaucoup Five Finger Death Punch, tu sais. Il faut pas non plus qu'ils pensent qu'à chaque fois qu'on lance une petite balle curve à cette bande-là, qu'on les méprise ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense qu'ils savent exactement pourquoi qu'on picosse là-dessus. Mais c'est parce que c'est pas notre genre. C'est pas notre genre. Puis tu sais, c'est correct aussi, je veux dire. Cette même personne-là peut aimer aussi peu importe quelle autre bande qu'on tripe dessus. Là, tu sais. Absolument. Mais c'est mes cibles préférées. J'avoue. Ah, moi aussi, je les aime beaucoup. Ben, Chris, que cette bande-là, man, ils ont réussi à se faire booker sur tous les festivals cet été, man. Ils jouent partout. Je pense qu'il y a deux Five Finger Death Punch. Un peu comme Garou dans le temps au Québec, il y a peut-être 10 ans, parce que tu avais l'impression qu'il y avait deux Garous parce que tu le voyais partout. Ben, je pense qu'il y a deux bandes. Il y en a un que c'est des sosies, puis l'autre, c'est le vrai. Puis il y en a un qui joue en même temps en Europe, l'autre aux États-Unis. Ah ouais, man. Hey, il doit faire de l'argent, il en a fait terrible. Comme les grands chefs d'État là, qui ont des sosies. Ou c'est des hologrammes. Ouais, c'est ça. Fait que là-dessus, ben écoute, moi, comme au final, je dirais, tu sais, l'élitisme, le purisme, pour moi, c'est acceptable, puis c'est nécessaire jusqu'à une certaine mesure. Ça dépend de l'attitude des gens qu'ils sont. On est tous l'élitiste de quelqu'un, puis les gens qui côtoient des élitistes ont beaucoup à apprendre de ces gens-là, si c'est pas des cocksuckers. Puis le purisme, ben jusqu'à une certaine mesure, oui aussi. T'sais, moi, il y a des bands, si tu me parles de Immortal, mettons, là, le prochain album de Immortal, là, je le veux très, très pur. Je veux pas qu'ils essayent des affaires, là, tu sais. Absolument. Il y a des groupes comme ça que t'aimerais qu'ils recréent le son des premiers. Ben, comme Metallica, on aimerait bien ça qu'ils refassent un Kill 'Em All ou un Ride the Lightning. Hein. Ah, ça serait le fun. C'est ce qu'on leur reproche, c'est toujours. Tellement, c'est tellement impossible, tu sais. Non! Je sais pas si tu as vu sur Twitter aujourd'hui, j'ai mis dans le By Request, là, ils ont fait un show en Europe et ils ont joué Saint Anger. Ouais, je l'ai vu, je l'ai écouté. Je disais, bon, c'est mieux que Nothing Else Matters. Mais. Je sais pas, man. C'est meilleur que. La version est encore. Premièrement, il y a du double bass drum dans cette tune-là. Ouais, puis il en fait pas là-dedans. Mais là, il en faisait tellement vite que c'était impossible qu'il puisse arriver. Fait qu'il s'est contenté de faire du single bass drum. Puis même encore là, moi, ça m'a surpris d'ailleurs parce que Metal Injection, ils ont passé la nouvelle puis ils ont dit que ça, c'était comme not bad, tu sais. J'ai vraiment pas trouvé que c'était si fameux que ça, là. Non. De toute façon, il n'y a aucune chance qu'il joue à Montréal. Non, ils n'ont aucune chance qu'il joue à Montréal. Mais. Que Kamet a dit qu'il était pas vraiment. En tout cas, il capotait pas plus que ça sur les choix des gens à date, là, que c'était typiquement ce qu'il jouait d'habitude. Ouais, ben, en fait, j'ai comme l'impression que le band, quand ils ont parti By Request, voulait beaucoup se faire challenger. Mm-hmm. Puis ils se sont pas fait challenger à peu près jamais. À part quelques tunes, tu sais, Freight End of Sanity, tu sais, des tunes comme ça qu'ils n'avaient jamais faites ou que ça faisait les autres, ils auraient voulu faire Carpe Diem ou des tunes comme ça. Hein? Ouais. Ça, mais, je crois. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer, mais c'est effectivement, c'est un peu décevant, tu sais. Puis les gens pourront pas dire là, que Metallica, ils ont refait la même setlist que d'habitude. Chris, vous avez voté pour. Absolument. Tu sais, j'étais un peu déçu qu'il y ait pas plus de tunes old school, puis ben, c'est comme ça, man. Anyways. Mais d'ailleurs, je voulais te, étant donné que toi, t'es un drummer, je voulais te parler justement, de, parce que quand j'entends, j'ai, puis c'est pas la première fois que je remarque ça, mais le drumming de Lars, d'ailleurs, il s'est fait traiter de très mauvais drummer dernièrement par le gars de Mogwai. Oui, j'ai vu ça. C'était pas un move super intelligent de leur part, mais je pense qu'ils s'en crissent un peu. Ouais, je suis dans les mentalités. Ouais, c'est ça. Mais j'ai remarqué, surtout sur la version de Saint Anger qu'il a faite, justement, c'est drôle, Lars, on dirait qu'il kick à toi. C'est comme pas égal. On dirait qu'il kick à toi trois coups ou à toi... C'est vraiment pas égal. Puis écoute, c'est clair que le gars n'a jamais joué qu'un métronome parce que ça wave. Là. C'est... Ça doit pas être évident d'être en studio avec ce gars-là, puis ça doit pas être évident de jouer live avec lui, parce qu'il passe, c'est une vitesse, puis en plein, puis pas long, quelques secondes après, ça va descendre, puis ça va là, puis ça va remonter de vitesse, puis ça va redescendre. Écoute, c'est difficile d'être être Robert Trujillo, ça doit pas être toujours facile, je te jure. Ah, j'imagine, parce que au lieu d'avoir un pattern très carré de bass drum stair, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, lui, c'est ta-ta. C'est spécial. Écoute, je me dis, j'écoutais Injustice for All il y a deux semaines, puis je me disais, si c'est lui qui joue là-dessus. Ouais. Puis là, je me disais, puis tu sais, dans le temps, tout était analogue, c'était pas encore des enregistrements numériques. Puis je me disais, Calvaire, comment qu'il a réussi? Ils ont dû se faire du cut and paste dans le cycle du tape. Là. Ah ouais, c'est fou. C'est, en tout cas, j'étais un nom. D'ailleurs, il y avait une rumeur, puis ça, je sais pas si c'est vrai, il y avait une rumeur que. À partir du moment où ce que Flaming Rasmussen, qui est un musicien aussi, il y a des gens qui ont avancé que Flaming Rasmussen avait fait des tracks de drums. Ben, dans la biographie de Metallica, que j'avais fait la critique peut-être l'année passée ou il y a deux ans, ouais. Flaming Rasmussen avait fait suivre des cours de drums pour l'enregistrement de Ride the Lightning. Parce qu'il avait commencé à faire des tracks de drums. Puis il disait, on sera jamais capable de finir l'album, c'est impossible. Ce qu'il avait fait, il a dit en entrevue qu'il avait fait suivre des cours. Hey, j'ai vu une entrevue, j'ai écouté une entrevue dernièrement avec lui qui continue de produire des albums, qui est très, très productif. Il devrait le prendre, est-ce-tu? Moi, je comprends pas pourquoi il retourne pas avec ce gars-là. Parce que j'écoute qu'est-ce qu'il a produit dernièrement. Là. Oui, c'est old school, mais il a une approche très old school, puis je suis sûr qu'il amènerait le band à des. Écoute, puis c'est ça qu'ils veulent, faire du old school. Pourquoi qu'ils vont pas rechercher le gars qui a amené leur son, t'sais? Je comprends pas, on dirait qu'il s'entête à... S'il a eu un beef avec lui, ça a-tu mal fini? Je pense pas, parce qu'il en parle toujours positivement. Je pense qu'il va partir une pétition là-dessus, tu sais. Absolument, ça, oui. Ça vaudrait plus la peine. Ou réenregistrer Kill Em All avec des... avec des amplitudes. Oui, ou des triggers avec un drum tout triggé. Hey, ça serait l'enfer. Hey, en passant, on était supposé faire un podcast spécial terrassement. Oui. Je sais que tu es déménagé dernièrement. Toi, as-tu avancé un peu ton terrassement autour de ta maison? Oui, je travaille là-dessus tranquillement. Je pourrais faire un podcast de 2-3 heures là-dessus. Moi aussi, j'ai travaillé pas mal, comme présentement. Là, j'ai des belles semences de gazon. J'ai fait un beau sursemis. Et je me suis acheté une tondeuse neuve. Moi aussi? Je tripe bien raide. Non? Moi aussi, je l'ai acheté à batterie, moi. Ah non, moi, ta gaz, c'est une old school, une tondeuse d'homme. Ah non, moi, man, j'essaie de limiter mon empreinte écologique. Je suis allé à la batterie. Fait que là-dessus, on va se laisser. Puis gardez votre métal pur et élitiste. Cool.